Giboulé. La semaine qui suit le carnaval, Robert et Faustine se revoient presque tous les soirs. Le jeune homme employé de banque est aussi un joueur de football assidu. La pire engeance, dirait maman, qui a interdit à sa fille d'épouser un flic, un prof et un footballeur. Son rêve à Robert, c'est d'intégrer le FC Bâle, le meilleur club de foot de Suisse à ses yeux. Pour l'instant, il se contente du FC Birsfelden. Il va à l'entraînement tous les mercredis. Faustine est autorisée à l'admirer de loin, discrètement. Craignant qu'on se fiche de lui, même si la mise en boîte conserve, il ne souhaite pas leur présenter sa nouvelle amie pour le moment. Faustine comprend. Les règles sont très strictes dans le football. Pas d'alcool, pas de femmes, la veille d'un match, repos obligatoire. Entraînement strict, etc. Un soir, entre deux matchs, il l'a invitée au restaurant, un autre que celui où elle travaille. Puis ils sont allés danser et il lui a promis que le samedi suivant, il lui cuisinerait un repas chez lui en tête-à-tête. Faustine entre en amour. Il n'en faut plus beaucoup, en ce qui la concerne, pour que ce soit du sérieux et qu'elle soit prête pour la vie de famille. Elle se confie à Mathias qui trouve qu'elle est un peu jeune et irresponsable. On ne se jette pas ainsi à la tête d'un homme et on n'envisage pas de fonder une famille avec quelqu'un qu'on ne connaît que depuis un mois. Mais Faustine ne veut rien entendre. Elle continue son fantasme sirupeux. Alors, lassé par 2 heures de confidences ininterrompues, Mathias finit par s'énerver. Après tout, continue à t'entêter. Mais ne viens pas te plaindre d'être coincé entre 3 gamins en bas âge et un footballeur perpétuellement absent. Et même sans aller jusque-là, un accident est vite arrivé. En Suisse, même si l'avortement est légalisé, il faut tout justifier, tu sais. Ce n'est pas comme en France désormais avec la nouvelle loi de Simone Veil. Tu ne voudrais pas devoir te marier, non? Changeant de victime, Faustine s'attaque à René, qui vient manger tous les jours au restaurant, tant qu'il n'a pas de nouveau chantier. Elle lui raconte ses rêves, ses espoirs, ses projets. Lui, le René, l'écoute. Il est comme un grand frère ou un oncle bienveillant. Il ne se moque pas. Il essaie d'expliquer à la jeune fille que tous les garçons n'ont pas forcément envie de se marier, sans parler de fonder une famille à 22 ans. Arrive samedi 17h. Faustine se présente chez Robert. Elle comprend, en voyant toutes les paires de chaussures exposées dans le corridor, qu'il habite toujours chez ses parents. C'est une déception pour la jeune fille qui avait imaginé son amoureux dans ses propres meubles. À croire que la banque ne paye pas tant que ça. Qui l'eût cru? En attendant, il lui a préparé un excellent repas italien. Crostini, lasagne et tiramisu, qu'il déguste en savourant la bouteille de Chianti qu'elle a apportée. Après le dessert, il s'installe sur le canapé et pendant qu'un orage éloigné gronde, il regarde un match de foot à la télévision. Est-ce que c'est un échantillon de ce qui attend Faustine? Autant s'habituer. L'émission terminée, les jeunes gens finissent quand même par s'allonger sur un lit pour s'adonner à des caresses de plus en plus osées. Jusqu'au moment où... Non, dit Faustine, interrompant le coït. Pas avant le mariage. Quel mariage, répond Robert, douché à l'écossaise. Je ne t'ai rien promis. Je suis désolée si tu y as cru, ma petite, mais il n'en est pas question. Je ne peux pas, je ne veux pas me marier. Faustine, rouge de honte, liquéfiée, se rhabille, sans écouter la suite. Elle s'enfuit sous l'orage. Elle court, petite fille, en pleurs, droit devant elle. Que d'eau, que d'eau! Robert tombe du lit, réagit, la suit au galop. Attends, mais attends, laisse-moi t'expliquer. La jeune fille, dans sa course aveugle, percute le René en train de promener son chien. Il la retient, l'interroge. Sanglotante, désespérée, humiliée, elle lui raconte son désarroi, lui demande d'intercéder en sa faveur. « Ce n'est pas possible, pas possible, hoquette-t-elle. Je sais qu'il m'aime comme je l'aime. Ça ne peut pas se passer comme ça. Fais quelque chose, René !» Puis elle court attendre à l'abri du prochain porche. Robert, qui vient d'apparaître, est aussitôt intercepté par René. Sous la pluie devenue torrentielle, les deux hommes s'expliquent. De sa place, Faustine les voit parler, gesticuler assez fort, mais elle ne les entend pas. Enfin, Robert reprend le chemin de chez lui. hélas, sans un geste ni même un regard vers Faustine. René la rejoint. Alors, demande-t-elle, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, lui répond René, il m'a avoué qu'il est amoureux d'une femme mariée et qu'il n'a pas encore renoncé à l'idée qu'elle quitte son mari pour lui. Oh! Le salaud! Le salaud! Le salaud! Hurle Faustine, faisant concurrence au tonnerre et à la foudre. Et dire qu'il m'a fait croire qu'il m'aimait. Il voulait juste s'amuser. Oui, répondit René. Il est jeune encore. Il pense que toutes les Françaises, ou Suisses romandes, c'est pareil, sont des filles faciles. Je lui ai expliqué que ce n'était pas correct, qu'il aurait au moins dû avoir le courage de te le dire. Il comprend bien. Il ne savait pas que tu étais... que tu n'avais jamais... Il regrette, mais il ne changera pas d'avis. Il espère que tu te consoleras vite. Jamais! Non, jamais! Gémit Faustine, qui en veut à la terre entière, et rentre chez elle la mort dans l'âme. À partir de là, le René passe tous les jours au restaurant, au moment où la jeune fille termine son service, vers 23 heures. Il lui offre un verre ou une tisane, essaye de lui remonter le moral. Un jour particulièrement beau et chaud, où Faustine a congé, et lui fait la surprise d'un pique-nique en forêt avec Rex le chien. Il a acheté de la salade de pommes de terre et des fraises, même si c'est encore un peu tôt dans la saison. Il recouvre les fruits de double crème et de sucre. Que c'est bon! Il fait tout son possible pour distraire Faustine de sa grosse déception. Le lendemain, ils vont promener Rex le long du Rhin ou dans la forêt toute proche. Une autre fois, il lui offre une bouteille de fine Napoléon, sa préférée, à laquelle il aimerait l'initier. Un soir, il l'invite au cinéma. On parle beaucoup d'un tout nouveau genre de film qui bat les records, le film catastrophe. Celui qui vient de sortir, La Tour Infernale, est truffé de trucages impressionnants. Émotion forte garantie. Rien de tel pour vous changer les idées. Après tout, Paul Newman et Steve McQueen valent bien son Robert, non? Faustine a accepté la proposition. Une assiette aux trois couronnes suivie du spectacle. Ils ne se sont pas ennuyés, ont passé une superbe soirée. C'est bien agréable de se laisser dorloter par un homme délicat et attentionné. Il n'en faut pas beaucoup plus pour que la jeune femme retrouve sa joie de vivre. Pour le remercier, c'est elle qui l'invite le lendemain dans son lit pour une séance de dégustation de cognac. Ce soir-là, le vent a tourné définitivement. L'heure est à la tendresse, aux caresses, aux sentiments. Amoureux, tendre, joignant la subtilité à la délicatesse, l'homme, sensible virtuose, conquiert la jeune femme et lui ouvre les portes de la volupté. Et lui enseigne le béaba du plaisir, et apprécie qu'elle soit bonne élève. Bientôt, on ne sait plus trop qui initie qui, jusqu'à ce que, enfin apaisés, les amants s'endorment, enlacés et heureux. Au matin, Faustine regarde son René. Certes, il n'est plus très jeune, mais il a l'air si viril. Homme dans tout son être, fort et fragile à la fois, et puis ce sourire, et puis ce pli, là, au creux des joues, comme un zeste d'enfance, ses yeux bleus au regard direct, honnête, ses mains de travailleur et qui pourtant, dans d'autres jeux, ses biceps costauds et ses épaules accueillantes, tout le contraire d'un gamin inexpérimenté. Et maman qui lui avait tellement dit quand elle parlait de la grande affaire, « Tu verras !» Tu seras déçu de voir que ce n'est que ça et qu'on en fait un tel plat depuis la nuit des temps. Ben non, pour un début, ce n'était pas si mal, pense-t-elle en se levant pour préparer du café.